Un froid de loup pour un temps de chien, héros. J'trouve que la rue est en panne, même si elle m'dépanne, t'es levé, dopé dès le départ par cette envie de trophée. L'ascenseur social est bloqué, ok. La misère est rentrée chez nous sans toquer, ok. Les drogues s'invitent à la sortie des lycées. C'est American Pie dans les couloirs du collège. Tu peux te faire canner pour un edge ou crever par la PG. Protégé par mon arme en mode Thug Armani. Rafale de calabre dans les portières, ça tranche la gorge de porc frère. Suce ta carrière, termine dans une housse mortuaire. Sur les boulevards de la peur, en roue arrière, c'est la guerre. Ça distribue comme Stringer ou Nicky Barnes sur Harlem. Yeah. L'été c'est 60 jours à tuer, sans se faire tuer. Sous un soleil de plomb, les négros se font plomber. C'est le système établi qui nous pose à la faute. Les négros vont fourguer la dope en fourbe malgré les taux. C'est le cauchemar de la République, depuis sa phrase mythique. Kegeke the boys comme Bookshuit, Bin, Sen, Sen, Saint-Denis. Réapprends la notion du respect, petit. Vu qu'il est plus facile d'être victime de la bourse que de la vie. C'est le cauchemar de la République, depuis sa phrase mythique. Quelques ghetto boys comme Brookshuit, Bill, Sen, Sen, Saint-Denis. Sen, Sen, Saint-Denis. Passe, passe, passe, moi vite une plume, une masse. Un spliff, un kick, une ligne de basse que je perde mon gourdi. Tu rêves pas, c'est les deux macs qui reviennent te bourrer le mou. Qu'ils continuent de brailler leur merde, c'est MC. T'as bien profité des instants de gloire. Maintenant c'est à nous de grailler. Rien, rien, rien à foutre de ton équipe de petite rataille. Finis de se fournir chez Tati. Si on prend ton esprit petit pour se faire de la maille, va te faire un peeling. Car si tu me croises armé d'un queue dans ta zup, dis-toi qu'à l'intérieur y'a plus de Tosmac que celui de Sport Billy. Yeah, tu vas la perdre ta queue, petit niggueuse. À force de trop la tremper dans des petits queues de gueuche. Pendant que la police continue d'effacer mes frères, de la surface terrestre, je lâche ma verve. Pour que s'accomplisse la destinée qui me poursuit dans mes rêves. Crois pas qu'on restera sur le banc de touche, tiens, croque un bout touch de sky. Que ma liqueur t'enduise le bout, petite racaille. GG, une gold bâtard pour ceux qui tentent de me piéger. Moi je garde ce qui est bon et laisse les déchets. Mais tu peux rien, trop de speed, trop vif. Nous c'est mentalité de guerrier, j'en ai jamais en manque d'inspi. 2008 pleura, ouvre grand la bouche que mon pénis s'introduise. Au parleur de personne, moi je fais mon pisse. C'est le cauchemar de la République, depuis sa phrase mythique. Ghetto boys comme Bookshuit, Bill, Sen, Sen, Saint-Denis. Réapprends la notion du respect, petit. Vu qu'il est plus facile d'être victime de la bourse que de la comme vie. Comme ce porteur de menhir, j'ai tombé très tôt dans la marmite. Il est illégal comme les trafics d'armes en Seine-Saint-Denis. Homme de clan attaché à la famille, c'est vendetta contre l'État. Tu rappeurs comme la cam dans les cercueils à Frank Lucas. Drogue dans le coffre, des corps de potes à la mort. Nique les jacteurs, c'est du tandem jusqu'à la mort. On sème le désordre jusqu'à l'avenue des sirènes. Mes premiers pas sur le bitume, meurtrier comme un gros. Acteur d'une série noire, je rêve d'un périple exotique à Panama. Exportateur, produits locaux qu'on retrouvera dans tes narines. Que jamais tu parles mal. Envoie un fils de diplomate qu'on remplit sa cale de ma colère. Blanche ou marron, envoie une mule qui se remplit l'utérus pour pas un rond. C'est pour ma ville qu'on fout le feu dans le rap. Je viens mettre ma bite ici, c'est le K-R-E-G-O-R. Au jour OP quand ça tire. Viens pas faire l'ami, kamikaze du rap, on te l'a déjà dit. Celle-là c'est pour bénir Ruggiero, mes négros qu'on les crocs. C'est le cauchemar de la République, depuis sa phrase mythique. Kegeke the boys comme Bookshuit, Bin, Sen, Sen, Saint-Denis. Réapprends la notion du respect, petit. Vu qu'il est plus facile d'être victime de la bourse que de la vie. C'est le cauchemar de la République, depuis sa phrase mythique. Kegeke the boys comme Bookshuit, Bin, Sen, Sen, Saint-Denis. Sen, Sen, Saint-Denis. Si, si. Tandem. Patrimoine, ghetto. On veut une part du gâteau.